L'islamisme, d'après le Coran par M. Garcin de Tassy. Exposition de la foi musulmane. Des rites. Il faut que chaque homme connaisse le rite qu'il suit dans la foi et dans les pratiques extérieures. Note. Les musulmans ont quatre rites différents qu'ils considèrent comme orthodoxes, parce que leurs fondateurs sont parfaitement d'accord sur le dogme, et ne diffère que sur les points du culte et de la morale. On verra plus bas, dans le texte, les noms des fondateurs de ces quatre rites. Celui d'Abu Hanifa est le plus dominant dans l'Empire ottoman. Il y a en outre un grand nombre de sectes hérétiques et schismatiques. On en a compté jusqu'à 73. Voyez Salle. Observation critique et historique sur le mahométisme. Fin de la note. Si l'on demande à quelqu'un de quel rite il est quant à la croyance, il doit répondre qu'il est sunnite et orthodoxe, et dire, je crois comme a cru le prophète de Dieu, ses compagnons et les orthodoxes. Croyance conforme à ce que nous avons exposé jusqu'ici, qu'il ajoute que le rite des sunnites et des orthodoxes repose sur la certitude, et que tous les autres rites sont faux. Si l'on demande à quelqu'un de quel rite il est quant aux pratiques extérieures, il doit dire qu'il est de celui de l'imam Abu Hanifa, que Dieu soit content de lui, mais il ne faut pas qu'il dise, le rite d'Abu Hanifa est bon, les autres rites sont faux, mais, le rite d'Abu Hanifa est bon généralement parlant, toutefois il peut s'y rencontrer quelques erreurs. Les autres rites sont généralement parlant dans l'erreur, quant aux questions où ils sont en contradiction avec Abu Hanifa, mais il peut s'y rencontrer des choses vraies. Pour concevoir ceci, il faut savoir que Dieu Tout-Puissant a fait à ses serviteurs des commandements et des défenses, soit par le moyen du Coran, soit par la bouche de son prophète, que toutes ces choses sont ou d'obligation divine ou d'obligation canonique, qu'elles sont ou criminelles, ou blâmables, ou indifférentes, qu'enfin le prophète a déclaré que des usages étaient de pratiques imitatives, et que d'autres étaient de surérogations. Obligation, prohibition. Premièrement, on nomme article d'obligation divine les préceptes que des preuves non douteuses nous attestent venir certainement de Dieu, comme ceux du Coran. Celui qui omet ce qui est d'obligation divine ira en enfer, celui qui ne croit point à ces articles obligatoires est infidèle. Les préceptes d'obligation divine sont, la croyance en Dieu, etc. Le devoir de l'ablution et de la lotion, la prière des cinq heures canoniques, le jeûne du Ramadan, l'obligation aux riches de donner aux pauvres la dîme de leurs revenus, le pèlerinage de la Mecque. Note. On trouve dans ce peu de mots l'abrégé de la foi musulmane. Le premier article comprend le dogme, il a été développé dans les six premiers chapitres de ce traité. Les cinq derniers comprennent le culte. L'auteur n'entrant à ce sujet dans aucune espèce de détail, je crois être obligé d'y suppléer en peu de mots dans cette note. Premièrement, les purifications forment une des pratiques les plus essentielles du culte musulman. La loi ne permet à l'homme l'exercice d'aucun acte religieux avant de s'être préalablement lavé de toute souillure corporelle. Toutefois, il ne faut point s'imaginer, comme quelques personnes le croient encore, que les musulmans pensent que ces purifications effacent leurs péchés. On est surpris de voir, dans la liste que donne Roland des auteurs qui ont accusé les musulmans de suivre cette doctrine déraisonnable, le savant Taïd, Gabriel Sionita et Durier. Les musulmans sont bien loin d'avoir de pareilles idées. Ils sont persuadés que le repentir seul et les actes de pénitence peuvent attirer sur le pécheur la miséricorde de Dieu. Il y a trois sortes de purification. La première se nomme ghasl ou lavage. Elle est requise pour les souillures que l'on nomme substantielles ou matérielles, que ces souillures soient sur le corps, sur l'habit ou sur l'endroit où l'on prie. De crainte de faire la prière sur un lieu impur, les musulmans ont soin d'avoir un petit tapis consacré à cet usage. Les gens riches se font suivre partout d'un laquais qui porte ce tapis sous le bras, et qui l'étend devant son maître, lorsqu'il en est temps. Les musulmans qui n'ont pas de tapis font leur prière sur leur manteau. Les impuretés substantielles sont, par exemple, les sécrétions naturelles, etc. La deuxième purification, nommée abdest ou ouzou, ablution, est requise par les souillures non substantielles mineures, telles que le vomissement, l'éclat de rire au milieu de la prière, etc. Elle consiste à se laver le visage, la barbe, les mains, les bras jusqu'au coude, et les pieds jusqu'à la cheville. On l'accompagne du bismallah, c'est-à-dire des mots, au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu qui nous a favorisés de l'islamisme, et d'autres prières qu'on trouvera dans le colloge. La troisième purification, nommée ghusl, lotion, et pour les souillures non substantielles majeures, comme effusio seminis, l'acte de cohabitation, les infirmités périodiques du sexe, les couches, elle consiste à se laver tout le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Au défaut d'eau pure et claire, on met en usage la purification pulvérale. On peut la faire avec de la terre, du sable, de la poussière, etc. Celui qui a contracté une souillure soit majeure, soit mineure, ne doit point toucher le Coran, pas même avec la manche de son habit, il ne doit pas non plus toucher les monnaies sur lesquelles seraient gravés quelques passages de ce livre, ni en réciter aucun verset, non plus que du Pentateuque ni de l'Évangile. Voyez, sur cette matière, des détails curieux dans le tableau de l'Empire ottoman de Mourad Jadot en tome second, page 7 à 69. Deuxièmement, la prière est de précepte divin. On doit la faire vêtue décemment et dans un état de pureté parfaite, le visage tourné vers la Kaaba. La prière se compose d'un ou de plusieurs rikas. Ces rikas consistent en diverses attitudes, inclinations et prosternations accompagnées de formules de prière toujours en arabe. On les trouvera dans le colloge. La loi musulmane oblige les fidèles à adresser 5 fois le jour leur prière à Dieu. Ces prières sont annoncées, du haut des minarets des mosquées, par des crieurs ad hoc nommés muezzin. La première est celle du matin, Adam, disent les musulmans, fit le premier cette prière. La seconde est celle de midi, Abraham, disent encore les musulmans, s'en acquitta le premier. La troisième, celle de l'après-midi, le prophète Jonas en est, dit-on, l'auteur. La quatrième, celle du coucher du soleil, c'est Jésus-Christ qui la fit le premier. Enfin la cinquième est celle de la nuit, on la tient de Moïse. Ces prières peuvent se faire ou en commun ou en particulier, ou à la mosquée ou ailleurs. Elles sont composées de rika et de la lecture de différents chapitres du Coran. La prière publique des vendredis a lieu dans les villes seulement. Elle est d'obligation, elle doit se faire à la mosquée et encore, sous l'imamat du sultan ou de son lieutenant. Elle se fait à midi. Elle se compose de la khotba, mot que l'on traduit ordinairement par prône. Un ministre nommé Khatib fait ce prône. Dans toutes les villes qui ont été prises par la force des armes, Ce catible prononce la main appuyée sur la garde d'un sabre. Après ce prône, un vaise ou prédicateur prononce ordinairement un sermon, mais ce n'est qu'une pratique de surérogation, l'on n'est point obligé d'y assister. Les autres jours de la semaine, il y a quelquefois des sermons à la suite de la prière de midi ou de l'après-midi. Cela est déterminé suivant les chartes de fondation de la mosquée. Il n'est pas inutile de faire observer que les musulmans vaguent le vendredi à leurs occupations ordinaires, ils ne les interrompent qu'au moment de la prière publique. On lit dans le Coran sourate 62, dans les intervalles de la prédication et de la prière, les croyants peuvent se disperser à volonté et chercher à se procurer les biens que Dieu accorde dans sa libéralité, par le travail. Dans le Maroc, on ferme les portes des villes pendant la prière publique du vendredi, à cause d'une ancienne tradition superstitieuse qui existe parmi les Arabes de ces contrées, qui est que leur pays sera attaqué par surprise par les chrétiens, et pris par eux durant ce temps. Confer, Jackson, An Account of the Empire of Morocco, page 49. Il est encore bon de faire remarquer que les musulmans ont fixé à ce jour la prière publique, non point pour honorer, ainsi qu'on a bien voulu le dire, Vénus, qu'ils ne connaissent pas, et il est curieux de lire dans Relan, les causes plaisantes de son inculpation singulière, mais en mémoire de la création du premier homme, événement qui a eu lieu un vendredi. Je ne parlerai point ici des prières particulières pour les deux fêtes du Bayram, pour le Ramadan, etc., etc. Je ne puis m'étendre davantage sur cet article si important du culte musulman, mais les personnes curieuses d'en connaître toutes les particularités les trouveront développées dans le tableau de l'Empire ottoman, tome second. De la page 69 à la page 403. Troisièmement, tout musulman parvenu à l'âge de 14 ans doit jeûner pendant tout le mois nommé Ramadan. Ce jeûne consiste dans une abstinence entière de toute nourriture et dans une continence parfaite pendant toute la journée, depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Cette abstinence est portée à un tel point de sévérité, qu'il n'est pas permis, non seulement, de boire, mais de fumer du tabac, de respirer des parfums, d'user de clistères, d'avaler la salive, à moins que ce ne soit involontairement, de se laver le visage, etc. Des musulmans portent l'exactitude au point de ne vouloir pas même ouvrir la bouche pour parler, dans la crainte que l'air n'y entre trop librement. Sale, observation historique et critique. Cependant, si une mouche ou un moucheron vient à entrer dans le gosier, si l'on se faisait saigner ou appliquer des ventouses, cela ne romprait point le jeûne, non plus que de soindre d'huile ou de se mettre du surmé aux yeux. Il est aussi permis de mâcher du pain pour un enfant qui en a absolument besoin. On n'a pas besoin d'avertir que les malades, les voyageurs, les femmes enceintes, etc., sont dispensés du jeûne. Il faut observer que les années des musulmans étant lunaires, le Ramadan parcourt tous les 33 ans les différentes saisons de l'année. On s'imaginera facilement combien ce jeûne est pénible lorsque le Ramadan se rencontre en été. Les musulmans se montrent encore plus scrupuleux sur le jeûne que sur les autres points du culte. Ils n'oseraient jamais, d'ailleurs, transgresser publiquement la loi à cet égard. Ils seraient réputés infidèles, apostat, et par là digne du dernier supplice. Pendant le Ramadan, les musulmans font, après le coucher du soleil, un repas auquel préside l'esprit de pénitence. Ils font ensuite avant l'aurore une collation. Le jeûne du Ramadan est toujours accompagné de prières surérogatoires et d'aumônes considérables. Une partie de la nuit se passe en prière. Toutes les mosquées sont ouvertes durant les 30 nuits que dure le jeûne. Le Ramadan est immédiatement suivi de la fête nommée le Petit Bayram, et vulgairement la Pâque des Turcs, mais c'est le Grand Bayram, ou la fête des sacrifices, qui était nommée par les Arabes d'Espagne qui vivaient parmi les chrétiens, et parlaient la langue castillane, Pascua. Voyez notice et extrait des notes de la Bibliothèque du Roi, tome 11e page 322. Cette fête n'est que d'un jour, toutefois le peuple la célèbre 3 jours de suite 70 jours après, on célèbre le Grand Bayram, qui dure 4 jours. Ces 7 jours de fête sont, dans toute l'année, les seuls où tout commerce et tout travail manuel sont suspendus. Ces 2 Bayrams sont les 2 seules fêtes religieuses de la nation. Voyez le tableau de l'Empire ottoman, tome 3, page 1 à 54. Quatrièmement, la dîme est d'obligation divine. Elle consiste à donner chaque année une partie de ses biens aux pauvres musulmans, mais non point aux infidèles. On doit la donner du bétail, de l'argent, des grains, des fruits, des marchandises, mais il faut avoir une certaine aisance pour y être obligé. À ce sujet, il y a des règles qu'il serait trop long de développer ici. Je renvoie le lecteur à Monsieur Dawson, tableau de l'Empire ottoman, tome 2, page 403 à 423. Il est en outre d'obligation canonique de donner l'aumône que Monsieur Dawson nomme Pachal, c'est-à-dire l'aumône qui se fait à l'issue du jeûne du Ramadan, laquelle consiste en une demi-mesure soit de blé, soit de farine, soit de raisin, ou bien en une mesure entière de datou d'orge, que l'on doit distribuer aux pauvres. Quant aux aumônes surérogatoires, chacun est libre de suivre les mouvements de sa charité. Cinquièmement, le pèlerinage de la Mecque est d'obligation divine. Tout musulman doit s'en acquitter une fois dans la vie. Si cependant des circonstances particulières l'empêchent de remplir ce devoir, il peut en charger un mandataire. L'esclave n'est pas obligé au pèlerinage. Il n'est permis à la femme de le faire qu'accompagnée de son mari ou d'un proche parent. C'est à la Mecque, et non à Médine, que les musulmans vont en pèlerinage, et c'est la Kaaba, et non point le tombeau de Mahomet, qu'ils visitent. Parmi les pratiques qu'on observe dans le pèlerinage, les suivantes me paraissent dignes de remarque. Les pèlerins sont tenus de prendre l'ihram, ou manteau pénitentiel, sorte de vêtement composé de 2 pièces de toile, sans couture, l'une pour se couvrir la partie inférieure, et l'autre la partie supérieure du corps. Ce vêtement n'est pas d'obligation pour les femmes. Si elles le prennent, elles doivent garder chemise et caleçon. Tant qu'on est revêtu de l'ihram, il est défendu d'avoir commerce avec sa femme, de chasser, de se couper les ongles, de se raser aucune partie du corps, de se couvrir la tête et le visage, etc., etc. Lorsque durant le pèlerinage on psalmodie des cantiques, les femmes ne doivent pas hausser la voix, pour éviter, disent les commentateurs, que la mélodie et le charme de leur voix ne donnent des tentations aux hommes qui pourraient les entendre. Arrivé à la Kaaba, on doit baiser la pierre noire. C'est sur cette pierre, disent les musulmans, que Dieu grava la loi qu'il donna aux hommes après qu'il eut demandé à toutes les âmes des hommes à venir, renfermées dans Adam, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et qu'elle lui eût répondu, « Oui, vous l'êtes. » On doit faire plusieurs fois le tour de la Kaaba, etc., etc. Dans la vallée de Mina, les pèlerins doivent jeter des pierres. C'est en mémoire d'Abraham qui, en traversant ce lieu pour aller immoler son fils, il chassa à coups de pierre le démon qui lui suggérait de ne point obéir à Dieu. Les pèlerins sont encore tenus de boire de l'eau du puits de Zemzem. La tradition rapporte qu'Agar et son fils Ismaël étant pressés par une soif ardente, l'ange Gabriel fit jaillir cette source d'eau douce. Le grand Bairam a lieu le 10 du mois du pèlerinage, nommé en arabe Zoulijé. Il est d'obligation canonique d'immoler à cette époque ou un mouton, ou un bœuf, ou un chameau, de manger une partie de la victime et d'en distribuer le reste à son gré. Voyez sur le pèlerinage, des détails curieux dans le tableau de l'Empire ottoman tome 3. Page 55 à 313. En finissant cette note dont on voudra bien, j'espère, me pardonner l'indispensable longueur, il est nécessaire de faire observer que lorsqu'on omet involontairement, ou par une bonne raison, une pratique quelconque du culte, ou qu'elle se trouve invalidée par quelque vice, on est obligé de la faire postérieurement, mais que si on l'omet de propos délibéré, on doit se soumettre à une peine expiatoire. Ainsi, par exemple, si l'on manque volontairement d'observer un seul jour du jeûne du Ramadan, on doit se soumettre, en réparation, à une abstinence de 61 jours consécutifs. Fin de la note. Deuxièmement, on nomme article d'obligation canonique les préceptes que des preuves douteuses seulement nous font connaître venir de Dieu. Celui qui ne les observe pas mérite d'être puni, mais celui qui ne croit pas à ces articles d'obligation canonique n'est point infidèle. La prière nommée huître, l'obligation aux pèlerins riches de faire un sacrifice lors du grand Bairam, et de donner une aumône lors du Bairam, l'Aïd, qui termine le jeûne, sont des articles d'obligation canonique. Note. La prière huître se fait avant l'aurore. Elle se compose de trois rikas. À la fin du dernier, on récite le cantique nommé Kunout, que l'on trouvera dans le dernier paragraphe de ce chapitre. Fin de la note. Troisièmement, ce qui est indifférent, c'est ce qui n'est ni méritoire, ni criminel, comme, par exemple, s'asseoir, marcher, se coucher. Quatrièmement, ce qui est criminel, c'est ce que Dieu a défendu. Note. Puisqu'il est ici question des actions criminelles, je dois faire remarquer que, par la religion musulmane, il est sévèrement défendu de faire des eunuques, et même d'en employer à son service. Si les souverains et quelques grands dérogent à cette loi, ce n'est que par faste et par attachement à un usage consacré de tout temps dans les cours asiatiques. Tableau de l'Empire ottoman, tome 5, page 475. Fin de la note. Ce que Dieu a défendu. Celui qui se le permet mérite les tourments de l'enfer. Par exemple, tuer quelqu'un, commettre la fornication, manger ou boire les restes d'un chien. Note. Les musulmans abhorrent les chiens. Ils ne les admettent point dans leur maison, etc., mais ils sont attentifs à les nourrir. Voyez dans les oiseaux et les fleurs, l'allégorie du chien, page 98 et suivante, et les notes sur cette allégorie, page 201 et suivante. Au contraire, les musulmans aiment beaucoup les chats, à l'imitation de leurs prophètes. Il faut dire, à la louange des musulmans, qu'ils sont très compatissants pour les animaux. Si le propriétaire d'une bête de somme en fait un usage immodéré, les officiers de police ont le droit de réprimer sa dureté et d'exiger qu'il soulage l'animal. La répugnance des mahométans pour la chasse est une suite de ce sentiment de compassion. Ils ne veulent pas même qu'on prive les oiseaux de leur liberté, et les musulmans pieux se font un devoir d'acheter les oiseaux que l'on vend en cage, pour leur rendre la liberté. Tableau de l'Empire ottoman, tome 4. Les musulmans pensent qu'au jour du jugement, Dieu ne jugera pas seulement l'homme par rapport à un autre homme, mais encore par rapport aux bêtes. Confer, Cantemir, Histoire ottomane, page 40. Fin de la note. Cinquièmement, on nomme blâmable l'action qui n'expose pas celui qui l'a commise à être puni, mais à être réprimandé et à être privé d'intercession, par exemple manger de la chair de cheval. Sixièmement, les articles de pratique imitatifs sont ceux que le prophète de Dieu a fait ordinairement. Celui qui en nommait la pratique ne mérite pas d'être puni, mais il mérite d'être réprimandé et d'être privé d'intercession. Par exemple, l'usage du cure-dent, la prière en commun, la circoncision des enfants, le repas lorsqu'on se marie. Note. Il ne faut pas croire que la circoncision soit d'une nécessité si absolue qu'on ne puisse s'en dispenser dans certains cas. Ce n'est, selon les musulmans, qu'une cérémonie très convenable et très utile. Elle était en usage chez les Arabes plusieurs siècles avant Mahomet. Il n'est pas inutile de faire observer que la plupart des musulmans ne circoncisent leurs enfants que lorsqu'ils sont en état de prononcer distinctement la formule de la profession de foi, « Il n'y a de Dieu que Dieu », et Mahomet est son prophète. Plusieurs cependant les font circoncire dans les 40 premiers jours de la naissance de l'enfant. Le père ou le tuteur a seul le droit de donner à l'enfant le nom qui lui plaît, l'usage est cependant de se faire substituer par l'imam de la mosquée. Ce dernier s'approche de l'enfant et prononce les paroles de l'ézan à l'oreille droite et celles de l'ikamé à l'oreille gauche, et lui adressant ensuite la parole, il lui dit « N » est ton nom. Cette cérémonie tient lieu de profession de foi. Confer, Tributien, Conte inédit des mille et une nuits, 237. Il est encore de pratique imitative, lorsqu'on se marie, de se raser les cheveux, la moustache, le pubis, d'épiler ses aisselles. Fin de la note. Septièmement, les pratiques surérogatoires sont celles que le prophète de Dieu a accomplies une ou deux fois, ou ce qu'il a déclaré être méritoire. Celui qui n'observe point ses usages n'est exposé ni à la punition, ni à la réprimande, ni à être privé d'intercession, mais il y a du mérite à suivre ses pratiques. Par exemple, réciter des prières qui ne sont ni d'obligation, ni de tradition, faire des aumônes et se soumettre à des jeûnes du même genre. Toutes ces choses se trouvent consignées dans le livre de Dieu, le Coran, ou dans le recueil des traditions du prophète, mais les unes sont manifestes, et chacun les comprend, les autres sont obscures, et les docteurs et les gens d'esprit seulement en ont l'intelligence, aussi Dieu Très-Haut a-t-il ordonné aux docteurs de faire tous leurs efforts pour expliquer les obscurités de son livre et des paroles de son prophète, de régler leur conduite en conséquence, et d'enseigner aux hommes ses explications, afin de se rendre digne de grandes récompenses. Si un docteur se trompe, il est excusable et ne commet point de faute. Ceux qui ne peuvent parvenir au degré d'instruction de ces docteurs doivent suivre l'un d'eux et agir conformément à ce qu'il aura dit. Ils seront également excusables et ne feront pas de faute, S'ils suivent un docteur qui s'est trompé, on pourra demander pourquoi les compagnons même du prophète n'ont pas formé les divers rites de l'islamisme. Mais il faut savoir qu'après que le prophète de Dieu, sur qui soit le salut et la paix, eut quitté le monde, ses compagnons, regardant comme fort important de faire des conquêtes, s'y appliquèrent et tirèrent à ce sujet, du livre de Dieu, bien des décisions. Toutefois, ils ne purent les écrire, et ils n'avaient pas besoin de le faire, car la plupart d'entre eux étant mujtahides, docteurs des premiers siècles de l'islamisme, agissaient au besoin avec les connaissances qu'ils tenaient de la bouche même de Mahomet. D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements parmi les hommes, et l'on demandait rarement des décisions. Après la mort des compagnons du prophète, l'islamisme s'étant propagé au loin, les événements se multiplièrent, et en même temps l'ignorance se répandit. Les docteurs de ce temps-là se virent donc forcés de s'attacher exclusivement à tirer du Coran et du recueil des traditions du prophète des décisions qu'ils écrivirent. Les efforts de chacun de ces docteurs furent proportionnés à ses facultés intellectuelles. Ces savants expliquèrent aux hommes ce qu'ils avaient compris, et leur laissèrent par écrit ces explications. Les musulmans ont tous suivi l'un de ces docteurs, les uns, Abu Hanifa, qui est le plus célèbre, les autres Shafi'i, ceux-ci Malek, ceux-là Ahmed, Ben Hanbal, les uns Sofiane Thouri, les autres Davout Taber, etc., et ils ont, jusqu'à ce jour, agi d'après ces imams. La croyance de tous ces docteurs est la même, ils sont sunnites et orthodoxes, mais dans quelques pratiques du culte extérieur, l'un est en contradiction avec l'autre. C'est Dieu qui permet ces différences d'opinion. Elles ne produisent aucun mal. Qui que ce soit de ces docteurs que l'on suive, on le peut licitement, et au jour de la résurrection on ira en paradis. Si le mujtahid que l'on suit s'est trompé, on n'est point coupable. Dans ces contrées-ci, l'Empire ottoman, le rite d'Abu Hanifa, que la miséricorde de Dieu repose sur lui, est celui qui est dominant. Les habitants de ce pays ont choisi Abu Hanifa pour leur imam, parce qu'il est le plus ancien des fondateurs des rites orthodoxes. Il naquit l'an 80 de l'Hégire, 699 de Jésus-Christ, et mourut l'an 150, 767. Ses disciples sont les docteurs Abu Yusuf, Mohamed, Zafar et d'autres, que Dieu soit content d'eux. Ils sont aussi mujtahides. Sur divers points ils sont en contradiction avec leur maître, mais comme ils le suivent dans ce qu'il y a d'essentiel, on ne les considère pas comme ayant formé un rite différent, mais bien un même rite. Ceux qui suivent le rite d'Abu Hanifa peuvent, dans certaines choses, agir d'après le sentiment de ses docteurs. L'imam Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, naquit l'année de la mort d'Abu Hanifa. Les autres docteurs ci-dessus mentionnés lui sont tous postérieurs. Markem Dan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.